الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنحمد الله جل وعلا الذي وفقنا لهذا اللقاء فنحمده جل وعلا ونشكره ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما نسأل الله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والعنى وأن يجعلنا من الفائزين في هذه الدنيا في الآخرة وبعد. Donc les frères, Inch'Allah, on va commencer directement. Donc comme on a pris un peu du temps sur le programme, Inch'Allah, je vais être très bref et concis. Donc je vais essayer d'être très court pour laisser la place à notre noble frère, Cheikh Abdel Malik, Inch'Allah, Hafidahullah, et pour qu'il puisse faire son allocution et puis qu'il puisse traiter son sujet, Inch'Allah. Donc on va essayer dans un court temps, Inch'Allah, de parler de certains traits de la vie d'un grand compagnon du prophète alayhi salatu wa salam. Donc on ne pourra pas tout dire, Inch'Allah, puisqu'on va parler d'un compagnon. Et j'ai choisi ce compagnon, pourquoi? Parce que la biographie de tous les compagnons est bénéfique. Donc on ne pouvait pas parler de nombreux compagnons à travers ces minutes bien comptées. Donc j'ai choisi un compagnon du prophète alayhi salatu wa salam qui s'appelle Abu Dharr, qui est célèbre, hein, un célèbre compagnon. Ensuite, peut-être dans d'autres assises, si Allah nous permet de parler de d'autres compagnons. Pourquoi? Parce qu'on est dans une époque où on a besoin d'éduquer nos personnes, on a besoin de s'éduquer. وَفَقِدْ شَيْلَ يَعْتِي. Comme on dit, celui qui n'a pas, il ne peut pas donner. C'est-à-dire que si ensuite on veut éduquer les générations suivantes, éduquer nos enfants, notre progéniture, les descendants, alors il faut soi-même s'éduquer. On n'a pas un meilleur exemple et un meilleur modèle d'éducation si ce n'est à travers la vie des prophètes et des messagers. Et après les meilleurs hommes, après les prophètes et les messagers, ce sont les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Et vous allez voir un modèle immense d'éducation, hein, chez les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. Et à titre d'exemple, le célèbre compagnon Abu Dharr. Donc on va citer une partie de son histoire, Inch'Allah, qu'on demande à Allah qu'il mette la bénédiction à travers ces minutes bien comptées, et puis qu'on puisse tirer des enseignements et des bonnes instructions à travers ce qu'on va entendre. Et en ce qui concerne Abu Dharr, donc vous allez trouver des récits qui sont dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, vous pouvez retrouver des récits aussi dans l'authentique de l'imam Muslim et dans d'autres recueils de compilations de hadiths. Et vous allez voir que dedans, il y a justement des hadiths qui méritent les vertus et les bonnes moralités qu'avait ce compagnon. Mais ce compagnon a une histoire très étonnante. Il a une histoire très étonnante. Et l'imam Muslim rapporte dans son authentique, et justement il va mentionner un chapitre dédié aux mérites et aux vertus de ce compagnon Abu Dharr. Et il commence en mentionnant l'histoire que lui-même raconte le compagnon Abu Dharr. Lui va raconter son histoire, et justement c'est Abdallah ibn Samit qui raconte l'histoire d'Abu Dharr, qui lui a raconté justement à son sujet. Abu Dharr disait: kharajna min qawmina ghifar wa kanu yuhilluna ash-shahr al-haram fa kharajtu ana wa akhi Unais wa ummuna fa nazalna ala khalin lana fa akramna khaluna wa ahsana ilayna, yani akramana khaluna wa ahsana ilayna فحسدنا قومه فقالوا إنك إذا خرجت عن أهلك خالف إليهم أناس فجاء خالونا فنثى علينا الذي قيل له فقلت أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ولا جماع لك فيما بعد إلى آخر الكلام. Donc pour résumer, je pourrais pas tout vous lire en arabe pour qu'on puisse gagner du temps. Abu Dharr commence dans ce récit, il raconte son histoire, ce célèbre compagnon. Il dit: alors un jour, alors qu'on quitta notre tribu Vous savez, il était surnommé Abu Dhar al-Ghifari. Pourquoi? Parce qu'il était de la tribu de Ghifar. Et il est décrit comme étant des gens qui profanaient le mois sacré. Ces mois où le mois était sacré, les mois étaient sacrés, où le combat était interdit, et d'autres choses aussi. Eux profanaient cela. Il est décrit comme étant des gens qui profanaient les mois sacrés. Et la tribu de Ghifar était connue. C'était une tribu, parmi eux, il y avait des brigands. C'est-à-dire que ils attaquaient les caravanes, les passants et les voyageurs. Et lui, le compagnon, dans son passé, hein, au temps de l'Jahiliya, il faisait partie de certains de ces brigands, justement, qui attaquaient les voyageurs et prenaient du butin et s'accaparaient de ce butin. Et Abu Dhar a une spécificité, beaucoup l'appellent, le nom Al-Asad. C'était un lion parmi les lions des Arabes. C'était quelqu'un de... Dans sa description, l'imam Dhahabi le décrit comme quelqu'un d'imposant. Hein. Il avait aussi bien un caractère, une personnalité imposante, il avait un charisme immense. Et les biographes, lorsqu'ils parlent de Abu Dhar, ils disent ce lion parmi les lions des Arabes. Et vous allez voir dans sa biographie. Lui dit plus tard, il a quitté son peuple, Ghifar. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abu Dhar, à l'époque, vous savez tous, hein, au temps de l'Jahiliya, les Arabes sont des polythéistes. Ce sont des idolâtres. Et lui, Abu Dhar, par contre, lui, n'aimait pas l'idolâtrie. Cette idolâtrie et ce shirk ne lui plaisaient pas. Et même avant l'arrivée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il voie le messager d'Allah et qu'il croit au messager d'Allah, eh ben, kana ya'budallaha jalla wa ala. Il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Et il priait Allah subhanahu wa ta'ala. Des versions disent 3 ans même avant. Comme il va le dire ici. Il va le dire. وَقَدْ صَلَّيْتُ يَبْنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَ سِنِينَ قُلْتُ لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ قُلْتُ فَأَيْنَ تَوَجَّهُ قَالَ أَتَوَجَّهُ حَيْثُ يُوَجِّهُنِي رَبِّي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il dit, moi je priais. Il dit, je priais 3 ans même avant que j'embrasse l'islam auprès du messager d'Allah. Alors, on lui dit, mais tu priais qui? Il disait, moi je priais Allah. Mais tu t'orientais vers où? Il dit, je m'orientais vers où Allah Jalla wa Ala m'inspirait de m'orienter. Wahakada. Donc déjà, même avant la rencontre du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Dhar, parmi ses caractéristiques, il n'aimait pas le polythéisme et le shirk. Et vous avez des hommes, c'est pour ça, lisez dans la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, vous allez voir qu'il y avait des gens parmi les Arabes à l'époque qui n'aimaient pas le polythéisme et qui ont été à l'abri du polythéisme. Allah, Jalla wa Ala, les a préservés d'avoir adoré autre que lui, même avant l'arrivée du messager d'Allah et l'avènement de l'islam. Taïb. Donc, Abu Dhar raconte déjà ces faits. Donc déjà, il aimait adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors que à l'époque, dans la péninsule arabique, les Arabes avaient sombré dans le polythéisme. Alors que à la base, les Arabes s'affiliaient et s'apparentaient à la da'wa de Ibrahim alayhi salam, le père des prophètes et des messagers. Pourquoi? Puisqu'il était le père de Ismaïl, et le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam est un descendant de Ismaïl. Et les Arabes pensaient qu'en réalité, leur adoration des idoles n'allait pas, si vous voulez, à l'encontre de l'adoration d'Allah et à l'encontre de la voie d'Ibrahim et de la religion d'Ibrahim, cette religion que Ismaïl leur a enseignée. Les Arabes pensaient qu'ils étaient fidèles à la religion d'Ibrahim et que leur adoration des idoles n'allait pas à l'encontre du monothéisme pur, ce qui était faux. Et c'est pour cela que les Arabes, avant, étaient sur la religion d'Ibrahim, alayhi salam. Et c'est pour cela qu'on voit que dans le Coran, Allah, Jalla wa Ala, relate souvent l'histoire de Ibrahim alayhi salam, et il relate que le fait que Ibrahim lam yakun min al-mushrikin, Ibrahim ne faisait pas partie des polythéistes, et Allah l'a décrit dans le Coran comme étant hanif. Pourquoi? Parce que c'est un appel aux Arabes, parce que les Arabes de la péninsule arabique à l'époque du prophète alayhi salam, eux s'apparentaient au message, à la prédication et à la dora d'Ibrahim alayhi salam et de Ismaïl. Sauf qu'arrivé à un moment donné dans la péninsule arabique, les gens ont sombré dans les abîmes et l'obscurité du polythéisme et du shirk. À quel moment? Beaucoup disent c'est lors de l'apparition de Amr ibn Luhay. Amr ibn Luhay, cet homme qui faisait partie de la tribu de Khuzara. Khuzara, ceux qui ont régné à la Mecque après le règne de la tribu de Jurhum, ceux qui ont adopté Ismaïl. C'est à l'époque de Khuzara qu'est venu cet homme. Après ses voyages qu'il a fait au Cham, il a vu l'adoration des idoles, il a apprécié l'adoration des idoles. Les Arabes ne connaissaient pas encore l'adoration de statues d'idoles. Ils ne connaissaient pas encore l'idolâtrie. Et là, il est revenu avec une idole, il l'a ramenée à la Mecque, il l'a apportée à la Mecque. Et là, le premier but, c'était que cette idole soit un intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains historiens disent que cette idole, la première idole de la Mecque, c'était Hubal. C'était Hubal, cette idole-ci. Al-Muhim. Donc les Arabes, à l'époque, dans le contexte historique, étaient des polythéistes. Mais lui, Abu Dharr, lui, n'aimait pas ce polythéisme. Alors, lorsqu'il va s'en aller, il va faire un voyage, il est accompagné de son frère. Son frère qui était célèbre, qui s'appelait Unais. Et Unais, son frère, faisait partie des grands poètes arabes. Il était connu pour sa belle poésie, son éloquence. Il était très compétent dans ce domaine. Et il y avait avec eux leur mère. Leur mère. Alors, ils ont fait une halte et ils ont été, pendant leur voyage, accueillis par leur oncle. Leur oncle. Et leur oncle, ici maternel, à son habitude, il leur a accordé hospitalité, il les a bien accueillis. Sauf que lorsque l'oncle est sorti, des gens de son peuple sont venus et ont commencé à médire et à calomnier sur Abu Dharr à l'époque et son frère, Unais. Et les gens lui ont dit, tu sais, lorsque tu sors, tu le laisses chez toi, alors ils rentrent et ils vont ici se rapprocher de tes proches. Je le dis de manière très très polie ici, c'est-à-dire que lorsque le chef de famille, c'est-à-dire leur oncle, sortait, alors il prétendait que Unais essayait de se rapprocher de ses filles. Et c'était une pure calomnie et diffamation. Comme il le dit dans le récit, regardez, Abu Dharr, il dit, فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ. Ils ont été jaloux de nous, ils ont vu l'hospitalité que leur accordait leur oncle, ils ont été pris d'une jalousie et d'une envie, alors ils ont commencé à médire et calomner Abu Dharr. Et son oncle, leur oncle, alors lorsqu'il rentra, alors il leur parla de cela. Et les réprimanda sur cela. Et de là, Abu Dharr nous dit la réaction. C'est là qu'il dit, فَجَاءَ خَلُونَ فَنَثَ عَلَيْنَ الَّذِي قِيلَ لَهُ. Il a commencé à les réprimander. فَقَالَ أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ قَدَّرْتَهُ. Il les a réprimandés et Abu Dharr lui dit, tu viens d'annuler tout le bien que tu nous as fait. Avec ces réprimande et ses reproches, tout le bien que tu nous as fait dans le passé, tout ce bien que tu nous as fait, cette hospitalité, tu as tout annulé, tu as tout entaché, tu as tout sali avec ces mauvaises paroles. Alors ils lui ont dit, plus jamais nous nous tiendrons en ta compagnie. Et le terme en arabe, il dit, wala jima' alaka fima ba'd. Ensuite il dit, nous rapprochâmes nos chameaux pour charger nos effets. Et regardez la réaction de l'oncle lorsqu'il a vu, la réponse et la réaction de gens innocents. Alors, il a commencé à mettre son vêtement sur lui, à couvrir ce visage, et il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Regardez une relation l'oncle qui avait avec sa famille, ses neveux, des liens qui sont forts, hein. Les enfants de sa sœur, des liens qui sont forts. Regardez, Al-Hasidoun, les envieux, les jaloux, ont coupé ce lien. Alors qu'il leur accordait hospitalité, il était bon envers eux et eux étaient bons envers lui. Regardez, en le visitant, en lui accordant de l'importance, lorsqu'il le visite, il reste en sa compagnie. Regardez, les envieux, les jaloux sont venus médire et calomnier. Ouais, Kadhafi Kullizaman. Et comme cela, en toute époque, il y a toujours des jaloux et des envieux, des gens qui jalousent. Et cette jalousie est devenue une maladie. Même ceux qui sont touchés de cette maladie, ils en souffrent. Ils en souffrent de cela. Et le plus mal SF Shadid, le plus malheureux, lorsqu'on voit des gens éloignés des bonnes moralités, éloignés de la religion, éloignés de l'adoration d'Allah, on est attristé quand même de voir des gens sombrer dans la jalousie, dans cette envie de ce que ont les autres. Mais lorsqu'on voit des gens qui, d'apparence, ils font montrer la sunna du messager d'Allah, c'est simple, hein? Il faut montrer d'apparence la sunna du messager d'Allah, ou à l'ibada, tu les vois à la mosquée, mashallah. Et quand ils se retrouvent seuls avec des gens, yamshi bin namima, il fait la médisance, la calomnie, il diffame. Alors ils font des assises, hein, nos frères, hein, ils font des assises, ils parlent sur les gens, ils essaient de corrompre les relations qu'il y a entre les frères, les uns les autres, ils parlent sur même des femmes, parfois, sur les enfants des autres. Ils parlent même sur les ulama, sur les savants, sur les talabat al-ilm, et autres. Wal'ayadu billah. Là, l'homme, al-mutamassik, celui qui est vraiment accroché à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il faut faire attention à la langue. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait namima, il ne rentre pas au paradis. Inna fulana, lorsqu'ils ont dit tu salli al-layl wa tasum an-nahar walakin tu'dhi jiranaha bi lisaniha fa qala sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam la khayra fiha hiya fi an-nar. Ils ont dit au messager, certes une femme, elle prie la journée et elle jeûne, elle prie la nuit, elle jeûne la journée, mais elle porte préjudice à ses voisins avec sa langue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de bien en elle, elle est en enfer. Il faut faire attention à la langue. Pour ça, nos salafs disaient, n'a pas préservé sa religion celui qui n'a pas préservé sa langue. Alors on revient. Les jaloux de ce peuple à l'époque ont jalousé Abu Dharr et son frère et ont semé la corruption dans les liens de parenté. Qu'Allah nous en préserve de semeurs de corruption et des diffamateurs. Alors il dit, ensuite, alors, nous rapprochâmes nos chameaux pour charger nos effets. Notre oncle se couvrit le visage et se mit à pleurer. Nous nous mîmes en route et fîmes halte à proximité de la Mecque. Alors, sur leur route, ils se sont arrêtés à un endroit. Ils ont fait une halte dans un endroit qui était proche de la Mecque. Proche de la Mecque. Et là, Unais a défié un homme. Il a défié un homme, ici, à la poésie. Ils ont fait une sorte de défi, et son frère Unais était très très très fort dans la poésie arabe. C'était un poète arabe. Et ça, c'est important de le savoir et de le reconnaître. Pourquoi ? Parce que ça va jouer un grand rôle dans ce qui va suivre, pour bien comprendre le récit de Abu Dharr. Alors son frère, il a fait un défi de poésie. Et celui qui allait gagner les chameaux de l'autre, qui était l'une des plus grandes richesses. Vous imaginez, par exemple, à l'heure actuelle, vous avez une voiture, par exemple, une monture, vous faites un défi de poésie ou de langue, et si tu perds, tu donnes ta monture. Hakadaken. Là, ils ont fait un défi de poésie, son frère Unais, et de là, ils se rendirent chez un devin, et ce fut Unais qui en sortit vainqueur. Il revint par conséquent avec nos chameaux, avec en plus une quantité similaire. Son frère, il a gagné. Ensuite, Abu Dharr dit au fils de mon frère, c'est là qu'il dit, je priais déjà depuis 3 ans avant de rencontrer le messager d'Allah. Et il va raconter l'histoire que je vous ai racontée au sujet de sa prière. Sauf qu'ensuite, on revient à Unais, lorsqu'ils étaient à cet endroit à proximité de Mecca, Unais, il dit, j'ai une affaire à Mecca, je dois me rendre à la Mecque. Alors il a demandé à son frère de l'attendre et de rester à cet endroit jusqu'à ce qu'il puisse faire ses affaires à la Mecque. Alors, pour accomplir cette tâche, il s'en alla à Mecca, mais il tarda à revenir. Il a tardé à revenir. À son retour, Abu Dharr, s'adressa à son frère et dit à son frère Unais, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à la Mecque? Alors Unais lui dit, j'ai rencontré à la Mecque Ajib, un homme qui partage ta religion. Yani, il est comme toi. Il adore Allah uniquement. Il n'aime pas les fausses divinités. Il ne s'adonne pas à l'adoration des fausses divinités. Ce n'est pas un idolâtre. Il adore Allah Jalla wa Ala, un homme comme toi, la Mecque. Faqala lahu. Ensuite, il dit, il prétend en plus qu'Allah l'a envoyé. Vous avez compris, il parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Alors, Abu Dharr lui dit, mais que disent-ils? Que disent-ils à son sujet, ces gens, les gens de la Mecque, au sujet de cet homme qui se dit envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, Unais, il dit, يقولون أنه شاهر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء. Alors il disait du prophète que c'est un poète, c'est un sorcier, un magicien, un sahir, un devin, un kahin. Au sujet du prophète, c'était des calomnies sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais comme on a dit précédemment, c'est pour ça que c'est important, lui, Unais, faisait partie des spécialistes de la poésie. Et Unais, il va dire, « لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَا فَمَا هُوَ بِقَوْلِهِمْ لَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ على اقرا الشر فما يلتئم على لسان احد بعدي انه شر والله انه لصادق وانهم لكاذبون. Regardez ce que va dire son frère Unais. Il va dire, moi je connais les paroles des kahana wa sahara, les paroles des devins, des sorciers, je connais leurs paroles et je connais les meilleures poésies, les meilleurs poètes. Mais il dit, par Allah, cet homme est véridique. Par Allah, cet homme est véridique et ces gens-là sont des menteurs. Ils mentent à son sujet. Ce n'est pas un poète fou. Ce n'est pas un sorcier. Ce n'est pas un voyant. Regardez, c'est ici le constat de son frère. Qala qultu yani Abu Dharr yaqul fakfini hatta adhhaba fa anzur. Qala فَأَتَيْتُ مَكَّةَ. Alors il dit, Abu Dharr à son frère, alors maintenant, à toi, reste ici, laisse-moi me rendre à la Mecque. Alors il dit ensuite, Abu Dharr s'est rendu à Mecca. Il veut rencontrer le messager d'Allah. Parce que lui déjà, comme on a dit, il ne croyait pas au polythéisme. Alors là, on lui a dit qu'il y a un messager, un prophète, il veut le rencontrer. C'est dommage, on n'a pas le temps de tout lire en arabe et en français. Je vais essayer d'être très bref, encore quelques minutes. Donc on va résumer. Alors, regardez ce que... Ça, c'est vraiment un rappel pour nous. Regardez le profond souci d'Abu Dharr. Qu'est-ce qu'il va faire pour rencontrer le messager d'Allah? Alors il dit... Je dis, Abu Dharr, il dit à son frère, remplace-moi. Je veux partir pour l'observer moi-même. Il veut le voir soi-même, Abu Dharr. Alors, je guettais l'homme le plus faible et questionnais, lorsqu'il arrivait, où est celui que vous appelez le renégat? Il est où cet homme? Lorsqu'il est arrivé à la Mecque. Alors, il me montra du doigt en criant le renégat. C'est-à-dire que lorsqu'il dit ça, Abu Dharr, l'homme l'a montré lui du doigt et l'a crié au renégat. Alors les gens sont venus et ils ont frappé Abu Dharr. Ils se sont rués sur lui. Ils ont commencé à le frapper. Et Abu Dharr ensuite était en sang. Mais sachez attention, c'est une personnalité très forte, Abu Dharr. C'était quelqu'un, comme vous allez voir, hein, et si on n'a pas le temps de le voir, dans une prochaine assise, Inch'Allah, c'était quelqu'un qui avait vraiment énormément de courage. C'est un lion parmi les lions des Arabes. Alors il dit lui-même, alors, il dit, tous les habitants de la vallée m'attaquèrent. Ils l'ont tous attaqué. À coups de mottes de boue et d'os, tant et si bien que je m'évanouis. Tellement ils l'ont tapé, il s'évanouit. Et ensuite, lorsqu'il reprit ses esprits, il était tout en sang. Il était tout en sang. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, il est parti, ou qu'il y avait la source de Zemzem, pour se nettoyer. Alors il est parti se nettoyer avec la source de Zamzam. Il a lavé ce sang. Et il a commencé à boire son eau. Et il dit, je suis resté au fils de mon frère 30 jours et 30 nuits sans autre nourriture si ce n'est l'eau de Zamzam. Il est resté 30 jours dans cette version-là de l'imam Muslim. 30 jours, quasiment un mois dans cette riwaya. L'imam Muslim, un mois. Il est resté avec ça, comme cela. Et il s'alimentait, comment ? En buvant de l'eau de Zamzam. Et il dit, donc il buvait de l'eau de Zamzam, et regardez qu'est-ce qu'il va dire, le résultat. Pendant un mois, il n'a pas mangé, il dit. Il buvait de l'eau de Zamzam, et il dit, j'ai grossi à tel point il a grossi, que même à travers son ventre, il voyait des plis. Pour faire montrer vraiment comment il avait grossi, subhanallah, en buvant de l'eau de Zamzam. Ces hommes avaient des moralités, des bonnes moralités. Ils avaient une éducation. C'est pour ça qu'il faut lire. À l'époque de l'Jahiliya, beaucoup d'Arabes étaient des polythéistes, mais ça n'exclut pas qu'ils avaient certaines moralités, ils avaient des bons caractères, certains. Ils avaient, attention, les Arabes avaient une sorte de respect. Ils avaient une éducation, une certaine éducation, vous allez voir. Regardez hein, l'effort qu'il fait parce que lui, il veut rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. C'est pas la jeunesse de maintenant hein, qui sont chez eux, qui sont jamais sortis de chez eux. Ils sont devant un écran sur internet et ils parlent de Fulan, Allan, et comme des pipelettes. C'est pas Haoula. Haoula, Rijal. Wa min al-mu'minina, Rijal. Parmi les croyants, il y en a qui sont des hommes éduqués. Yuraha, il y va. Il veut rencontrer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors il dit, une nuit, par la pleine lune, tous les Mécois furent pris par le sommeil. Tout le monde dormait. Et là, pendant que tout le monde dormait, lui, il était à proximité de la Kaaba. Il était à proximité de la Kaaba. Et c'est là qu'il va voir deux femmes apparaître. Ensuite, lui, il va dissimuler, juste à côté du poteau de la Kaaba. Et il va voir deux femmes venir à proximité de la Kaaba et ils vont invoquer Naïla wa Isaf. Et c'était connu, c'était deux idoles à l'époque hein, des Arabes, ils adoraient ces deux idoles. Et de là, Faqala, lorsqu'il vit ces deux femmes, elles ont commencé à invoquer, à adorer Isafan wa Naïla. Donc c'était deux idoles qu'on a dit à la Mecque. Hein. Elles étaient célèbres à l'époque, ces deux idoles. Donc il y a beaucoup de récits qui sont rapportés ensuite. Il faut distinguer entre ce qui est authentique, ce qui est moins authentique. Al-Muhim, vous pouvez trouver chez les savants, chez certains historiens. Ils disent que Naïla, pour être rapide, Naïla et Isaf, c'était deux idoles à la base. C'était un homme et une femme. Un homme et une femme qui s'aimaient et se sont donné rendez-vous à la Mecque, à proximité de la Kaaba. Et dans certaines variantes, certains disent que c'est authentique, d'autres disent que c'était pas authentique, certaines variantes, il est dit ensuite qu'ils ont commis le péché de la fornication, dans la Kaaba. Et Allah, Jalla wa Ala, ensuite, les a transformés en pierre. Ils ont été transformés en pierre pour qu'il reste ici un rappel pour tous les gens lorsqu'ils désobéissent à proximité de Beit Allah al-Haram. Et plus tard, Shaitan leur a insufflé aux Arabes à proximité lorsqu'ils ont vu ces statues hein, de pierre, de les adorer, que c'était des idoles. Et de là, Naïla wa Isaf sont devenus des idoles connues à la Mecque. Elles étaient connues. Et elles ont été ensuite mises proche de la Kaaba. Et les gens les adoraient. Lui, Abu Dhar, lorsqu'il vit ces femmes, elles sont venues et elles ont commencé à invoquer Isaf wa Naïla. Taïb. Lui ensuite, il a parlé, il s'est adressé à elles, mais pas directement, il était caché. Il leur a dit des paroles, on va dire avec nos termes à nous, il leur a dit une parole pour attirer leur attention, hein, parole obscène. Elles ont eu peur, elles s'en allèrent. Parce que lui, déjà, il n'aimait pas le shirk. Il n'aimait pas le polythéisme. Il leur a dit une parole obscène, des paroles, elles se sont en allées et elles sont parties voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Elles s'en allèrent en se répandant en malédiction et s'écriant si seulement il y avait l'un de nos hommes par ici. Lorsqu'elles ont entendu ces paroles de cet homme, elles ont dit si seulement il y avait un de nos hommes, de nos proches qui étaient ici. Parce qu'il avait dit des paroles obscènes. Et de là, écoutez bien. C'est vraiment lire la vie des compagnons, c'est vraiment une éducation pour nous. Alors ils disent, ensuite, elles rencontrèrent le messager d'Allah et Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, qui descendait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, demande, que vous arrive-t-il ? Elles répondirent, écoutez bien, un renégat entre la Kaaba et ses voiles. Alors le prophète, il dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Le prophète Sansalem leur dit, mais qu'est-ce qu'il a dit ? Ils ont dit, il y a un renégat entre la Kaaba et ses voiles. Le prophète, donc, a vu qu'il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Et elles ont dit, il nous a dit une parole si obscène qu'elle emplit la bouche. C'est-à-dire une parole obscène qui remplit toute la bouche. Et là, les savants, lorsqu'ils expliquent cela, ils disent, regardez, elles n'ont pas répété ce qu'avait dit Abu Dharr. C'était obscène. C'était pour les faire fuir. Elles n'ont pas répété. Pourquoi ? Parce que les femmes arabes à l'époque avaient énormément de respect. Elles avaient une éducation, c'est pour ça que même certains savants ont traité de la respectabilité et l'honnêteté qu'avaient avant les femmes arabes. Même les femmes de Quraysh. Et vous voyez, tellement elles étaient respectueuses, regardez, elle a dit, s'il y avait des hommes parmi nos proches, ils n'auraient pas dit ces paroles, celui qui est caché dans le voile de la Kaaba. Et ensuite, lorsqu'elles sont devant le prophète, elles n'ont pas répété les paroles qu'il a dit, mais elles ont dit des paroles obscènes qui remplissent la bouche par respect. Il y avait un respect entre les femmes et les hommes. Pas comme beaucoup à l'époque, même devant les savants, attention, hein. Vous savez, les savants savent, hein, quand les questions leur sont posées de tel endroit, de tel continent, de telle position géographique du monde, lorsque certaines questions sont posées de tel continent, de tel pays, ils savent que ça va pas être les mêmes propos que tel pays. On fait la différence. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens de certains pays, lorsqu'ils posent des questions aux savants, ils sont même obscènes, ils citent des choses. Même lorsqu'on entend les questions, on a honte. On a honte. Et certains n'ont même pas de pudeur pour poser ces questions, même malgré qu'il n'y a pas de pudeur, on pose des questions. Mais il y a des détails qu'on peut garder. Des détails, par exemple, que certains jeunes ont connu des choses dans leur vie, que sachez, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, les gens ne connaissent pas ces choses, ne connaissent pas ces perversions-là. Ils ont été épargnés, leur cœur est pur, ils ne connaissent pas ces choses-là. Et il y en a, ils n'ont pas honte, ils posent leurs questions, ils citent des choses perverses. Ces femmes-là, regardez, elles n'ont pas cité. Pour terminer, c'est un long récit, je voudrais laisser la place à notre frère Cheikh Abdel Malik. Le récit est encore long. Je vais arriver à la fin. Al-Muhim, Abu Dharr, il rencontra le prophète, alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'il vit le prophète, alayhi salatu wassalam, sachez que Abu Dharr, parmi les particularités, il fait partie des premiers convertis à l'islam. Les premiers qui embrassèrent l'islam. Alors certains, regardez, certains historiens disent que c'est le quatrième à être entré dans l'islam. Certains, l'imam Dahabi dit le cinquième à être entré dans l'islam. C'est pour ça que vous avez des versions où Ali ibn Abi Talib, qui était jeune enfant, lorsqu'il a vu Abu Dharr à la Mecque, et Abu Dharr cherchait le messager d'Allah, il lui a fait hospitalité, il l'a pris. Il a fait hospitalité alors que Ali était jeune. Et de ce fait, ensuite il rencontra le prophète. Donc sachez qu'il faut bien comprendre le contexte, c'est le début. C'est le début de l'islam. L'islam est secret. Le prophète commence à prêcher. Il y avait Khadija qui a embrassé l'islam, Ali ibn Abi Talib, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. C'est les premiers musulmans. Un mérite immense. Et lui, Abu Dharr, fait partie des premiers, subhanallah. Il va rencontrer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il va croire en lui. Il va faire al-shahada directement. Le prophète va lui enseigner. Vous savez, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui dire ensuite ? Il va lui demander, je vous fais très rapidement, il va lui demander de retourner vers son peuple, la tribu de Rifar, qui était connue, hein, pour prêcher, pour pour appeler son peuple et sa tribu à l'islam. Sauf que, avant cela, lorsque Abu Dharr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va le faire témoigner qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, lui, Abu Dharr, c'est une personnalité, comme on a dit, avec un charisme, une personnalité forte. Le prophète lui a demandé de garder ça caché. Lui, Abu Dharr, il a dit non. Je veux rendre ça public, ma conversion. Et il est sorti devant tous les notables de la Mecque. Il est sorti, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ». Et ça, c'était avant même la conversion de Omar ibn Khattab et tout. Là, c'était vraiment le moment que c'était secret. Le prophète lui avait dit « N'annonce pas ta conversion ». Et lorsqu'il a annoncé sa conversion, alors les Mécois, Quraysh, se sont rués sur lui et ils ont commencé à le frapper. Et ils ont commencé à le frapper. Et c'est l'Abbas, l'oncle du prophète, qui est intervenu. Il leur a dit, regardez, il va leur parler de leur intérêt. Vous ne savez pas que c'est un membre du clan et de la tribu de Rifar? Vous n'avez pas peur pour votre commerce? Les gens avaient peur de cette tribu, de ce clan, parce que leur caravane passait par là. Et tout le monde avait une hantise. Ils étaient épeurés par cette tribu qui allait attaquer leur caravane. Donc là, ils ont cessé de le frapper. Et ensuite, il s'en alla. Et de là, très rapidement, il s'en alla. Et pour résumer, et je voudrais faire à relire son histoire, pour résumer, lorsqu'il retourna vers son peuple, il prêcha. Alors il a d'abord vu son frère, Unais. Il lui a dit ce qu'il a vu du messager d'Allah. Unais s'est converti. Il embrassa l'islam. Ensuite, il s'adressa à sa mère. Sa mère embrassa l'islam. Ensuite, il retourna vers son peuple, son clan, Rifar, toute la tribu. D'abord, toute la moitié de la tribu a embrassé l'islam. Toute la tribu, la moitié de la tribu. Et l'autre moitié de la tribu lui ont dit, écoute, lorsque le prophète émigrera à Yathrib, à Médine, on rentre dans l'islam. Si le prophète arrive à Médine, on embrasse l'islam, on le rejoint. Pourquoi? Parce que le prophète avait dit à Abu Dharr, tu retournes vers ton peuple, tu les appelles à l'islam, et moi je dois faire l'émigration. Il lui parla déjà vers cette terre qui est entourée de palmiers, et à l'époque elle s'appelait Yathrib. Lorsque tu entends que je suis arrivé là-bas, tu me rejoins. Et il est rapporté que Abu Dharr n'a pas participé à Badr ou à Uhud. Pourquoi? Parce qu'il a rejoint plus tard le prophète sallallahu alayhi wa sallam après ce qu'on a appelé les tranchées, Al-Khandaq. Il va rejoindre le prophète après les tranchées. Et là, tout Rifar va rentrer dans l'islam. Attention, c'était une tribu qui avait une prestance au sein des Arabes. Toute la tribu est rentrée dans l'islam. Ensuite, il y a une deuxième tribu où il a fait da'wah qui est rentrée dans l'islam, subhanallah. Tout le monde est rentré dans l'islam. Al-Muhim, pour terminer, il y a même des hadiths du prophète Sassam qui disaient que l'homme le plus véridique à travers la langue, je traduis de manière très relative, le prophète Sassam l'a nommé. Il l'a décrit comme étant l'un des hommes les plus véridiques. Les plus véridiques. Et même le prophète, lorsqu'il le vit arriver un jour, les gens virent un homme tout seul arriver, de loin. Et tout le monde se demandait, mais qui est cet homme qui vient? Et le prophète de loin dit, Abu Dharr, cet homme qui marche tout seul, qui mourra tout seul et sera ressuscité seul. Hadith du prophète, sallam. À la fin, Abu Dharr est mort en 32 de l'Hégire. 32 de l'Hégire. Abu Dharr, c'est long. Abu Dharr avait une personnalité. Abu Dharr était connu pour son ascétisme, était connu pour son attachement au texte, et était connu plus tard, il sera, à l'époque de Abu Bakr, de Omar, de Othman, il sera mufti. Alim, al-rajul min kibar al-ulama, sahabati rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam, faisait partie des grands savants parmi les compagnons du prophète. Et de là, il avait des avis. Par exemple, pour lui, dans le verset que Allah dit, et ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, lui, il voyait que c'est tous ceux qui économisent, capitalisent de l'argent. Ils gardent de l'argent comme ça. Il voyait tout ça. D'autres compagnons disaient, non, c'est ceux qui donnent pas de zakat. D'autres compagnons disaient, ce verset pour Al-Kitab. Lui disait, non, c'est pour Al-Kitab et pour nous. Et de là, à l'époque de Othman ibn Affan, et on termine sur ce point-là, à l'époque de Othman ibn Affan, alors il est dit que, ensuite, il parta vers une terre plus loin, une terre pour loin, pour rester en cette terre. Il ne voulait pas imposer aux gens ses avis, qui parfois pouvaient contredire l'avis d'autres compagnons. Donc il est parti, il s'est isolé vers une autre terre. Attention, c'est pour cela que dans le schisme, ils font l'éloge d'Abu Dharr. Parce qu'il rapporte qu'Abu Dhar avait un différend avec Muawiyah, qu'ils ont expliqué à leur manière. Hein, à leur manière. C'est faux la manière qu'on l'expliquait. Pour ça, ils font l'éloge à Shia, ils font l'éloge d'Abu Dhar. Et ils disent qu'il est parti parce que c'est Othman qui l'a exilé là. Non, c'est faux. Othman lui a permis. Parce qu'Abu Dhar ne voulait pas imposer ses avis. Abu Dhar. Donc il est parti en cette terre et il mourra en cette terre en 32 de l'Hégire. Et avant de mourir, il a demandé à ses enfants, il a laissé une fille derrière, il avait des garçons, il leur a demandé de l'enterrer directement sur la place où il fallait l'enterrer. Le jour où il est mort, ses garçons l'ont pris pour aller l'enterrer. Et là, il y a des gens qui ont vu cela, il y avait des gens de Koufa, il y avait Abdallah ibn Mas'ud. On termine avec cette très belle parole. Abdallah ibn Mas'ud dit, qui est cet homme que vous allez enterrer? Et ils ont dit, c'est Abu Dhar. Abdallah ibn Mas'ud s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est rappelé, cet homme qui marchait seul, qui mourra seul, il était tout seul. Abu Dhar, qui mourra seul, et il sera ressuscité seul. Rahimahullah wa radiyallahu ta'ala an, Abu Dhar. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai passées, Inch'Allah. Et pour laisser la place à notre frère Abdelmalik, Cheikh Abdelmalik, on s'excuse, Inch'Allah, si on a pris du temps. Et on remercie tous les frères qui ont participé, notre noble frère Mehdi, et Cheikh Lakhdar, ou Cheikh Sidati, pour leur appel, pour leur temps qu'ils ont donné, se sont déplacés. On remercie aussi nos frères et nos sœurs qui ont patienté dans cela. Donc Abdelmalik, Inch'Allah, il va faire son allocution, Inch'Allah. Et pour ceux qui veulent rester, il va continuer, Inch'Allah, aussi après l'Aïcha. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسنات في ميزان حسناتهم جميعا والله أعلم وبالله التوفيق وأصلي وأسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد